Organisation, organisation, mémoire, mémoire. Le dire sans façon, le dire sans façon. Voyage, voyage, dans une île perdue, dans une île perdue. Passage, passage, t'as pas fait le ménage, t'as pas fait le ménage. Visage, visage, choisis dans la rue, choisis dans la rue.